Ça va, Pio ? Salut ! Tu es beau, ça va, les amigos ? Ouais. Très bien. Ouais. Alors, figurez-vous qu'hier matin, j'appelle le rédacteur en chef de l'émission, Jean-Marc Morandini, l'homme de l'ombre, hein, l'homme de l'ombre, c'est comme on l'appelle ici et dans certaines institutions scolaires. Et je lui dis, Momo, je suppose que quelqu'un a déjà fait un billet sur la nouvelle espèce humaine qui a été découverte aux Philippines. Enfin, C'est vrai. Il me dit, toi, t'écoutes pas l'émission ? Je dis, si, mais juste mes chroniques, quoi, en podcast, le reste, enfin, j'aime bien Leïla, mais bon, l'émission en soi, t'en as écouté une. Enfin, bref, et je dis, il me fait, non, en tout cas, il y a aucun chroniqueur qui a parlé d'une nouvelle espèce humaine. Je dis, t'es sérieux, même pas Tanguy Pastureau ? Il me fait, non, Tanguy, c'est bien les humains, enfin, il a rien contre le principe, tu vois, mais tu sais comment ils sont, hein, à la droite de la droite. Et là, je raccroche. Et je me dis, trop bien, je vais pouvoir parler. Je vais pouvoir parler d'Homo Lucensis, l'homme de Luzon. Vous savez bien, moi, les origines de l'homme, voilà, c'est le seul truc qui me reste depuis la fin de Greg le Millionnaire. Du coup, tu vois, je suis un peu. Et sur l'île de Luzon, aux Philippines, on a découvert, en fait, quelques fossiles appartenant à trois individus distincts, hein, Riri, Fifi et Loulou. Et Luc. Luc, on n'a pas réussi à dater sa mort, mais Riri et Fifi, oui. Fifi, il est mort il y a 67 000 ans et Riri, il est mort 17 000 ans plus tard. Genre, ils ne sont pas hyper bien connus, quoi. Ça s'est joué vraiment. Ils ont interrogé Fifi, ils lui ont fait, t'as pas connu un Riri, toi ? Il vivait dans la même grotte que toi. Fifi, il a fait Riri, non, ça me dit rien. Mais si Riri attrape comme ça. Non. Et ce qu'on a découvert à partir de ces ossements, c'est que ces individus, ils rentraient dans aucune espèce connue du genre homo, en fait, parce que anatomiquement, l'homme de Luzon, il est extrêmement chelou. Genre, à côté, tu vois Daniel Morin, tu dis ça va encore. Tu vois, franchement, quoique je serais paléanthropologue, je fais un petit détour par Radio France quand même, tu vois. Notre Daniel, il a peut-être pas les pieds crochus, mais dans son ADN, il a occupé un laboratoire, sache-le. Reviens, Daniel. En gros, on sait que l'homme de Luzon, il était probablement assez petit parce que dans la grotte, ils ont trouvé un vélo à trois roues, alors que Sapiens, il se déplaçait qu'en mountain bike, de temps en temps en BMX, tu vois, quand il voulait faire des figures. Mais, et on sait qu'il avait des pieds et les mains qui étaient aussi adaptés à la vie dans les arbres, en fait, alors que le genre humain semblait strictement bipède depuis 2 millions d'années sous l'impulsion du lobby du foot, hein, comme on sait, pour qui, soi-disant, le jeu à quatre pattes, il y avait moins de spectacles et tout, ouais. Ça faisait fuir les sponsors. Super la bipédie, c'était pour jouer comme la France à la Coupe du Monde. Enfin, soit. Non, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc, ces caractéristiques physiques bizarres, elles seraient liées au fait que l'homme de Luzon, il a suivi sa propre évolution à l'écart des autres espèces humaines, isolé sur son île, en fait, voilà. Et que quand tu poursuis ton évolution tout seul dans ton coin, sans Sapiens, c'est Néandertal pour te juger et te faire « Ouais, la honte, t'as vu, ils ont les pieds crochus, comment se trouve la honte, les pieds crochus, pieds crochus, pieds crochus ?» Eh bien, alors tu t'en fous de ton apparence, tu vois. Tu t'en fous, tu te dis « Ouais, c'est quoi mon look ? Bon, ok, ça va peut-être pas plaire à Christina Cordula. En attendant, grimper aux arbres, c'est bien pratique quand tu veux manger un hibou. C'est vrai, hein ? Et du coup. L'homme de Luzon, il bouscule un peu nos idées sur l'évolution humaine, quoi. C'est le bordel, le genre humain. On critique un peu le christianisme à cause que c'est pas chouette pour les enfants de cœur. En attendant, Adam et Ève, c'était plus simple, quoi. Ils nous ressemblaient, c'est vrai. Adam et Ève, tu leur mettais pas de def, c'est Stone et Chardin. Je te dis, franchement, on descend deux, point barre. Mais là, il y a plein de zones d'ombre. C'est pour ça qu'ils sont casse-couilles, les hommes préhistoriques. Qu'est-ce que ça te coûte de laisser une petite plaquette avec 2-3 infos, tu vois? Genre, oui, voilà, je suis l'homme de Luzon. On est sur l'île depuis 2 millions d'années. Là, on attend Denis Brogniard. Tu vois, ça fait gagner du temps à la science, quoi. Moi, si je meurs, genre, c'est quand je meurs, je veux que dans mon cercueil, il y ait des indications, tu vois, pour si on me retrouve dans 67 000 ans, tu vois, le truc de base, hein. Ernesto, Sapiens, faisait beaucoup de blagues sur sa bite, mais toujours dans un but didactique. Et c'est vrai, on pense jamais aux paléanthropologues qui vont découvrir nos corps dans 67 000 ans. C'est vrai, la preuve, c'est qu'on se fait tous incinérer. Si ça, c'est pas un gros fuck adressé aux scientifiques du futur, genre, vas-y, essaye de deviner si j'ai des grands pieds dans mon urne. Vraiment, tu vois. Et c'est ça que j'ai dit hier matin à Jean-Marc. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillermo, si tu veux. C'est France Inter.